Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Pascal Nzonzi lit Le mandat de Sembène Ousmane. Pascal Nzonzi, tu as choisi de lire aujourd'hui deux livres. Alors le premier livre s'appelle Les premières lectures de Mamadou et Binetta. C'est un livre jaune, avec des petites lettres dessus, copie, dictée, puis des petits dessins. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre ? Ce livre est celui qu'on lisait à l'école primaire, quand j'étais à Brazzaville, au Congo. Et c'est un livre qui nous a beaucoup marqués tous. Et jusqu'à présent, on en a gardé des souvenirs intarissables, parce que bon, autant on n'aimait pas tellement faire les devoirs, mais je crois que nos enseignants avaient trouvé un système qui nous faisait aimer ce qu'on faisait à l'école. Savoir que comme on avait l'habitude de chanter dans la vie de tous les jours, les textes que nous lisions avaient un côté musical, si vous voulez. Bon, on lisait un texte, et puis le maître s'arrangeait toujours pour trouver des extraits chantés. Qui faisait qu'à la fin, bon, la lecture, on s'en souvenait comme si c'était quelque chose qu'on savait depuis toujours, parce qu'on avait essayé de mettre un air de musique là-dedans. Et puis bon, des histoires de Mamadou, alors que nous sommes en Afrique centrale, Mamadou et Binetta, c'est des personnages qui sont plutôt de l'Afrique de l'Ouest. C'était un peu étrange pour nous, des gens en boubou. On ne les voyait pas, on ne les connaissait pas, enfin, on les imaginait. Cela dit, il y avait quand même quelques commerçants dans la ville, quelques commerçants du Sénégal, du Mali. On voyait à peu près ce que c'était. C'était un dépaysement. Et en même temps, c'était une manière très très forte de se souvenir de ces choses. Vous dire que la musique avait une part très très très grande dans notre manière d'apprendre. Même le verbe « être » était chanté pour que l'élève s'en souvienne. Je me rappelle, bon, je suis, tu es, mais nous on disait je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Alors on te demande de conjuguer ton verbe être et puis tu chantes ta chanson et tu sais ce que tu as à dire. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et ce livre, bon, c'est le cours préparatoire de. J'approche mes 40 ans, je relis ce texte avec un plaisir comme si c'était il y a deux mois. Tu as choisi de lire le passage sur le forgeron. Pourquoi ce passage ? Eh bien, parce que le forgeron, c'est celui qui entretient la flamme. Vivant dans un village, la flamme est immuable. Et c'est lui qui fabrique les outils dont on a besoin pour aller travailler au champ. C'est lui qui fabrique qui fournit aux chasseurs les outils dont ils ont besoin, les fusils, les flèches. C'est lui qui rend belles nos mamans. Parce qu'à cette époque-là, on ne peut pas dire qu'on a des femmes, non, mais on voit nos mamans avec des parures. On sait que c'est le bijoutier qui a, et le bijoutier avec le forgeron constitue un peu une caste très très respectée dans nos familles, dans nos clans. Et c'est pour ça que j'ai choisi le forgeron, parce que c'est lui qui perpétue un peu l'outil de travail. Évidemment, quand on avait un oncle au forgeron, c'était très pénible parce qu'il faut entretenir la flamme. Alors, on est privé de jeu parce que tout le temps, la flamme, il faut qu'elle s'active. Et lui, il a besoin de ça pour travailler. Alors, viens travailler. Puis, on trouvait toujours des moyens, des excuses pour se sauver. Mais quand on s'y mettait, c'était vraiment quelque chose de très, très, très beau. Très, très beau. C'était ton cas ? Tu avais un oncle qui était forgeron ? Non, Dieu merci. Mon père était plutôt menuisier, Mais bon, on avait là aussi les mêmes corvées, quoi. Il fallait tenir la planche pour que le papa la rabote. Alors, pendant des heures, tu tiens là, je vais la scier. Oui, papa, je vais aller faire pipi. Et hop, c'était le prétexte pour foutre. C'est quelque chose de... Enfin, voilà, ces textes, vraiment, trouver des gens de mon âge, de ma génération, montrer ce livre, tout le monde sera en extase parce que ce sont des lectures que nous avons gardées. Alors, pour commencer l'histoire, il y a d'abord une liste des mots difficiles. Oui. Il y a la forge, le forgeron, les soufflets, il brille, les pinces, la lance. Donc ces mots, il fallait les apprendre par cœur. Le forgeron travaille dans sa forge, il met le fer dans le feu, l'apprenti souffle avec les soufflets, la flamme grandit, le fer chauffe. Voilà le fer qui est très chaud. Il est rouge, il brille comme le soleil. Le forgeron le prend avec ses pinces et le pose sur l'enclume. Pan, pan, pan, pan. Le marteau frappe et refrappe. Pan, pan, pan. Voilà une houe. Pan, pan, pan. Voilà une lame, des flèches, un sabre, un couteau, un coupe-coupe. Le forgeron sait aussi fabriquer des bijoux en or et en argent, des bagues, des colliers et des bracelets. Puis alors, il y a aussi la petite chanson du forgeron. La petite chanson. Ça, c'était vraiment le cartable à la main, l'école finie. Dès le point du jour, ma forge s'allume et l'on peut me voir près de mon enclume. Taper comme un sourd du matin au soir. Taper comme un sourd du matin au soir. Je forge l'outil qui pioche la terre, et pour le chasseur, la flèche légère. Comme mon apprenti lime avec quart d'heure, comme mon apprenti lime avec quart d'heure. Et je fais encore, pour les jeunes filles, de jolis bijoux, des bagues qui brillent, et des colliers d'or pour mettre à leur cou, et des colliers d'or pour mettre à leur cou. Dès le point du jour, ma forge s'allume, et l'on peut me voir près de mon enclume. Taper comme un sourd du matin au soir, taper comme un sourd du matin au soir. Allez, viens ici, toi, hein, fini, dépose-moi ça, et puis... va me puiser l'eau là-bas, et va faire ceci. Oui, mais papa, je vais... Non, c'est fini, il y avait vraiment... autant ils étaient contents, nos pères, quand on avait bien travaillé, mais au moment de travailler, c'était pas toujours évident. Pour eux, quand l'enfant rentrait à l'école, il fallait maintenant qu'il prenne part... aux activités de la maison. Voilà un peu le rapport qu'on a avec les études et les textes. Alors ça, Mamadou et Binetta, c'était ton premier livre, en quelque sorte. Et après, qu'est-ce qui s'est passé avec les livres? Est-ce qu'il y avait des livres chez tes parents, par exemple? Non, il n'y avait pas de livres chez mes parents. Non, mes parents ne savaient pas lire du tout. Dans la plupart de foyers, il n'y avait pas de parents... lettrés, c'était des cultivateurs, des travailleurs manuels. Ils comprenaient pas toujours la nécessité d'apprendre ces leçons et c'est surtout aussi pour s'éclairer la nuit. Parce que bon, on n'avait pas d'électricité ni d'eau courante, on s'éclairait toujours avec la lampe luciole. Et alors le pétrole, on éclairait la case souvent avec le feu. Bon, après le feu, il fallait l'éteindre pour dormir, mais on avait besoin de lumière, nous, pour apprendre nos leçons, pour faire ses devoirs. On disait, éteins la lumière, c'est pas toi qui achètes le pétrole. Et on disait, oui, mais comment voulez-vous que je sois bon élève si je fais pas mes devoirs? Et c'est ainsi que quand on va en Afrique, on trouve toujours des écoliers le long de la rue, sous les lampadaires, avec leurs cahiers, leurs livres, parce que c'est là qu'il faut qu'ils apprennent sans déranger leurs parents. L'air torride mêlé à l'odeur suffocante des tuyaux d'échappement rendait l'atmosphère viciée. Le carrefour fourmillait de gens dépenaillés, loqueteux, éclopés, lépreux, de gosses en haillons perdus dans cet océan. Une eau potable contenue cherchait à se vider dans un autre bassin plus propre. Les véhicules attelés à des essieux grinçaient. Des autos, des vélomoteurs faisaient un bruit assourdissant. Un vieux mendiant Finot tendait son bras, et cinq doigts rongés par la lèpre aux occupants des voitures, immobilisés par le feu rouge. À même l'asphalte, une aveugle, mère d'une fillette, s'époumonait d'une voix de fausset, filtrant à peine. Ensemble, Dieng et Gorgui Maïssa entrèrent dans la poste. Devant chaque guichet, des personnes attendaient. Gorgui Maïssa se renseigna et mena Dieng devant le guichet, mandat. Là aussi, une queue se déployait, avec au bout une grosse mémère. Fatiguée sans doute et à bout de patience, elle s'était assise à même la dalle, indifférente. Elle ressemblait à une souche de chair sans forme, tant ses traits étaient effacés. Appuyée contre le comptoir, Gorgui Maïssa, le regard concupiscent, observait l'employé au mandat qui comptait les billets. Le temps passait. Maïssa, surveille ma place. Je vais faire lire ma lettre. Placé du côté des boîtes à lettres, le scribe le reçut. Il allait refuser la lettre, mais Dieng lui fit comprendre que c'était sa femme qui l'avait ouverte, croyant qu'elle était sienne. Le plumitif, le nez en pied d'éléphant, chaussé de lunettes à monture de fer qui glissait, le regarda par-dessus ses verres. Il était âgé. La lettre vient de Paris, de ton neveu Abdou. Il est lu. Paris, 19 juillet 1960. Cher oncle, je t'écris pour te demander de tes nouvelles et l'état de santé de toute la famille. Quant à moi, Dieu merci, tout va bien. Je souhaite et prie Dieu qu'il en soit de même pour vous tous. Je profite de la présence de mon ami Diallo, fils de Modou, pour t'écrire. Comme tu l'as sans doute appris, je suis à Paris. Dieu merci, je me porte bien. Je pense à vous jour et nuit. Je ne suis pas venu en France pour faire le vagabond ni le bandit, mais pour avoir du travail et gagner un peu d'argent, et aussi, s'il plaît à Dieu, apprendre un bon métier. À Dakar, il n'y a pas de travail. Je ne pouvais pas rester toute la journée, toutes les années assis. Quand on est jeune, cela n'est pas bon. Pour venir, j'ai emprunté de l'argent. Il est vrai que je n'avais rien dit ni à toi ni à ma mère de mes pensées. Rester là à regarder ou à vivre de l'air du temps, je ne le pouvais pas. Maintenant, je suis en âge de me marier, d'avoir une femme pour moi. L'argent que j'avais emprunté, je l'ai remboursé. C'est pour cela que depuis mon arrivée en France, je n'avais pas écrit ni envoyé de l'argent à personne. Dieu merci, maintenant ma voix est propre. Il ne faut pas écouter ce qu'on raconte. Si en France on est perdu, c'est qu'on le veut. Après mon travail, je rentre et fais mes cinq prières. S'il plaît à Dieu et son prophète Mohamed, jamais une goutte d'alcool n'entrera dans ma bouche. Ce mandat de 25 000 francs CFA, je te l'envoie. Garde-moi les 20 000 francs. Tu donneras 3 000 francs à ma mère et tu prendras 2 000 francs pour toi. Je sais que tu ne travailles toujours pas. Et j'ai écrit à ma mère, dis-lui que je me porte bien. Je salue tante Métis, tante Aram et les enfants. La prochaine fois, j'enverrai quelque chose aux enfants. L'argent, garde-le pour moi. S'il plaît à Dieu, je vais revenir au pays. Ne m'oublie pas dans tes prières. Je te salue, ton neveu Abdou. Tu as aussi choisi de lire un livre qui n'est pas vraiment un livre d'enfance, qui s'appelle Le Mandat, de Sem Ben Ousmane, parce que tu m'as dit c'est un des premiers livres qui m'est bouleversé et que j'ai connu finalement. Oui, et ça je le dois à des amis français, parce que bon, quand j'ai commencé, c'est au moment où j'ai commencé à faire du théâtre, parce que j'ai commencé quand même très tôt, hein, j'ai commencé à 18 ans, 17-18 ans, et... Bon, j'ai commencé à prendre mes cours de théâtre en travaillant sur le classique français, parce que je travaillais quand même avec des metteurs en scène français qui venaient là-bas, qui me disaient, bon, le théâtre, c'est ça, c'est le classique, c'est ceci. Et d'autres copains français sont arrivés qui m'ont fait connaître la littérature africaine. C'est quand même extraordinaire. Il me dit, c'est bien ce que tu lis là, le Molière, mais il y a une littérature africaine. J'ai dit, oui, mais c'est quoi? Donnez-moi un nom. Puis m'ont donné le mandat de Sembène Ousmane. C'était au Centre culturel français. Et c'était la première fois que j'entrais dans une grande bibliothèque. Dit, c'est extraordinaire. J'ai lu le mandat et je me suis retrouvé dans ce roman en tant qu'Africain, en tant que Congolais. Je me suis dit, c'est pas possible. Je ne savais pas qu'il y avait des Africains qui avaient écrit. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment avalé tout ce qui me tombait entre les mains. Et entre Mamadou Ebinetta et le mandat, qu'est-ce qu'il y a eu comme livre, comme autre livre pour toi? Beaucoup d'autres livres scolaires. Beaucoup d'autres. Je dois dire que les livres que j'ai commencé à me procurer moi-même, j'ai commencé donc en allant à la bibliothèque du Centre culturel français. À partir de là, j'ai dit bon, il y a des livres. Je voudrais pas tout le temps aller au Centre culturel français, les lire puis les laisser sur place. J'aimerais bien les garder pour moi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à acheter des livres pour moi et que j'ai commencé à les garder à la maison. Dieng se présenta au guichet. Le préposé, après avoir extrait une fiche, la compara à la vie. Ibrahima Dieng, ta carte d'identité. Homme, j'ai pas de carte d'identité. J'ai mon reçu d'impôt, ma carte d'électeur. Y a-t-il une photo? Non, non. Donne-moi quelque chose où il y a ta photo. Permis de conduire, livret militaire. Je ne possède rien de cela. Alors, va chercher une carte d'identité. Où? Derrière le guichet, ne dépassait qu'une boule ovale noire, mal proportionnée sur des épaules de phtisique. L'employé à la question « où ?» leva sa figure sur lui. Une figure fermée, les commissures de ses lèvres étaient dures. Jusqu'au cou, il n'était que sévérité. Il impressionnait Dieng. Ibrahima Dieng, tu me donnes ta carte d'identité ou non? Homme, j'ai pas de carte, répondit Dieng d'un ton chevrotant. Va la chercher. Où? Ils se dévisagèrent. Il sembla à Dieng qu'un air moqueur naissait aux paupières du fonctionnaire. Dieng souffrait. Une sueur froide d'humiliation lui venait. Il sentait une morsure cruelle sur lui. Gardant le silence, en tête lui revint cette remarque qui circulait dans tout Dakar chez les petites gens. Il ne faut pas indisposer les bureaucrates. Ils font la pluie et le beau temps. Va à la police de ton quartier, finit par conseiller l'autre en lui rendant la vie et ajoutant « Le mandat est ici. » Pour 15 jours. Gorgui Maïssa et Dieng traînèrent un temps devant le guichet. Ils allaient sortir. Devant la poste, la rangée des mendiants disposés comme des pots de fleurs fanées tendait qui la main, qui la sébile, poussant leurs complaintes. Si on poussait jusqu'à la police, est-ce qu'on aurait le temps de revenir pour le mandat? Gorgui Maïssa ausculta le ciel. L'ombre des platanes, sa montre de poche. Cela est possible. Je veux dire à pied. Ah, ça change tout. Bien que la présence de Maïssa lui apportât un soutien moral, il pensait à ses 50 francs. Seul, il serait allé et revenu en rapide. Tu viens avec moi? Oui, répondit Maïssa étonné de la question. Je vais forcer l'allure. Il compte sur le mandat. Quelle guigne. Gorgui Maïssa trottait derrière. Il avait appris à la boutique que Dieng avait reçu un mandat. Voulant le taper, il s'imposait. C'était sa tactique. Il comptait sur une somme de 5000 francs au moins. En quittant ce logis, il avait dit à l'une de ses femmes « Attends-moi, je vais revenir avec la dépense journalière. » Exténué, transpirant, ils traversèrent la cour du commissariat. Gorgui Maïssa, sans hésiter, se laissa choir sur le perron circulaire qui ceinturait l'immeuble. Une vieille villa du type colonial affectée à l'usage de la police. Sur le perron, à différents endroits, des groupes de personnes palabraient. Près d'une porte se tenaient deux agents, la tenue négligée, les jambes longuement étalées. L'un indiqua d'un ton accablé « Carte d'identité ?»« Là !» Dieng s'engagea dans un couloir. « Hey, où vas-tu ?» Effrayé, il sursauta. La voix n'avait rien de normal, ni d'humain. Dieng se retourna. Rien. Sur ses gardes, il fit quelques pas. « Hey, c'est à toi que je parle. Où vas-tu ?» Ce timbre caverneux s'adressait bien à lui. Il tressauta, quand ferme, une main le secoua sans ménagement. « Ne sais-tu pas que c'est défendu d'entrer ici ?» Un spasme de rage, de colère contenue le saisit pendant un moment, paralysant sa langue, ses réflexes. Une sensation de soif nouait sa gorge. Il fit un grand effort sur lui pour avaler sa salive. Tourné vers lui aux trois quarts, il vit ce visage. Un visage taillé dans un bois calciné, mal fini, avec des lèvres lipues. L'homme-là m'a dit que c'était ici, les cartes d'identité, répondit-il d'une voix qui trahissait une crainte excitée. Dehors ! Hurla le gars. Aïtia Sibiti. Décontenancé, mordillant sa lèvre inférieure, lissant de ci de là son boubou, replaçant son bonnet des lâches à pas lents, il sortit. Paye une noix. C'est ainsi que l'accueillit Gheorghe Maïssa. Dieng le toisa avec mépris avant de lui remettre la piécette et vint se joindre à la queue. On a le temps pour la prière du Takusan, lui dit Gheorghe Maïssa. Maïssa officia en imam. Il fut expéditif. Dieng alla reprendre sa place, emportant un quartier de cola. La queue n'avançait pas. On murmurait son mécontentement sur la lenteur du service. D'un coup, la voix de Gheorghe Maïssa couvrit les divers bruits. Il s'était changé en griot, ressuscitant la haute lignée, noble, d'un jeune homme habillé à l'européenne. Beauté des femmes de cette lignée, générosité démesurée et bravoure des hommes, noblesse de leur conduite qui rejaillissait sur ce jeune homme, sang pur, des plus purs. Poussant des pointes de sa voix cassée, il était intarissable. D'un wolof élevé, il brisa la dernière résistance du jeune homme, pourtant récalcitrant aux éloges traditionnels. On l'écoutait. Le gars visiblement gêné, avec des gestes d'emprunt, tentait de freiner cet aide imprévu. Je ne chante pas pour l'argent. Lorsqu'on a retrouvé son maître en pareil lieu, il est bon de le faire connaître aux gens de ma condition. Pour l'argent, je ne chante pas. Je veux garder toute chose de la tradition, vocalisait Maïssa. Vaincu, le jeune homme lui glissa un billet de 100 francs. D'une gamme, Maïssa éleva la voix quand le gars se retira. Tu le connais ? Lui demanda Dieng quand le calme fut revenu. Connaître ? Tu es bien naïf. D'ici, j'ai entendu son nom de famille et j'ai brodé dessus. J'ai compris que tu mélangeais les Santa et les lignées. Lui pas. Il était content qu'on parle de lui. Tu ne sais rien de la vie d'aujourd'hui. Non, avoua Dieng, sidéré de ce manque de dignité de Gheorghe Maïssa qui se faisait griot. Lui non plus. On perd son temps ici, ajouta Maïssa, l'esprit ailleurs. Arriva le tour de Dieng. Derrière la fenêtre guichet, apparut un adolescent, les cheveux coupés presque à ras, une paire de lunettes à la Lumumba, ce qui conférait à ce visage juvénile un type d'intellectuel indéfinissable. Qu'est-ce qu'il y a pour toi ? Je veux une carte d'identité. Un extrait de naissance, trois photos et un timbre de 50 francs. Voilà, fils, expliqua Dieng, en avançant sa tête, le sommet de son bonnet s'écrasant contre le haut de la fenêtre. J'ai un mandat encaissé, et si je n'ai pas de carte d'identité... À ces paroles, Il joignit la vie. L'employé le lui prit des mains. La paire de verres se dirigea vers lui. Les yeux très lointains battirent des cils. « C'est vrai, mais je n'y peux rien. Va chercher ton extrait, les photos et le timbre, vieux, » dit-il en français d'un ton impersonnel. « Un papier pour prouver que c'est moi. J'ai mon dernier reçu d'impôt, ma carte d'électeur. Voilà. »« Vieux, pas la peine, » répliqua-t-il en repoussant la main de Dieng. « Sans photo, extrait de naissance et timbre, je ne peux rien. Laisse la place au suivant. » Dieng se redressa. Il se sentit pris de vertige. Des yeux, il chercha Maïssa. « Hé, homme, ton compagnon est parti. Il a dit qu'il avait une course à faire. » Première lecture, lecture d'enfance. Extrait du mandat de Sem Ben Ousmane par Pascal Nzonzi. Pierre Mine, Olivier Dupré, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Était remise en onde par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.